Bonjour. Alors, on reprend l'histoire des campagnes des années 10 de Cécile Sharpe et Maud Carplès dans les Appalaches. Et ça sera la fin du chapitre 2. Des amis de Sharpe à New York l'avaient mis en garde contre les mœurs supposées violentes des montagnards et lui avaient recommandé de se déplacer armé d'un pistolet. Les histoires de vendetta entre familles rivales et de conflits armés entre contrebandiers d'alcool vont bon train en ville, où elles sont relayées par les romans à quatre sous. Si les conflits interfamiliaux et l'industrie locale du moonshine donnent bel et bien parfois lieu à des heurts, Sharpe et Carplès ne rencontrent aucun problème durant leur voyage, à l'exception d'une occurrence où ils sont soupçonnés d'être des espions allemands par les habitants de Tie River Valley. Et donc, ils décident finalement de ne pas s'armer de pistolet. Les deux voyageurs sont agréablement surpris par l'hospitalité des montagnards. Carplès relate par exemple leur séjour dans une famille qui ne possède qu'un seul baquet installé d'ordinaire sous le porche pour la toilette de toute la maisonnée. Attentionnée, la maîtresse de maison, se doutant que ses hôtes préféreraient faire leurs ablutions dans l'intimité de leurs chambres respectives, leur apporte le baquet, d'abord à Sharpe, puis à Carplès, tous les matins. Sharpe témoigne d'un intérêt sincère pour les populations des montagnes et note de nombreuses informations sur leur mode de vie et leur environnement, qu'il décrit en termes le plus souvent très flatteurs, valorisant particulièrement l'autosuffisance de beaucoup de familles, qui parviennent à se nourrir exclusivement de ce qu'elles produisent dans leur petite ferme, même si lui, en tant que végétarien, déplore l'alimentation très riche en graisse de porc qu'il est souvent contraint de consommer lui-même. D'après les témoignages postérieurs de Carplès, les deux voyageurs entretiennent des relations très amicales avec les folks des montagnes et n'hésitent pas à prendre part aux veillées chantées et même aux danses, ce qui contraste avec l'attitude condescendante d'autres collecteurs, et leur permet aussi de diriger les chanteurs vers le type de chant qu'ils recherchent. Carplès relatera également les discussions amicales que Sharpe entretenait avec leurs informateurs et les sujets d'actualité ou de culture générale qu'ils abordaient ensemble. Le canal de Panama, la bataille des Dardanelles ou l'histoire des pyramides d'Égypte. Le peu de connaissances des montagnards qui est attribué par les deux collecteurs anglais à l'isolement de leur milieu, n'est pas dénigré, mais au contraire valorisé. En revanche, l'ignorance des citadins embourgeoisés de la ville minière de Manchester choque Sharpe, car elle est selon lui assortie d'une sophistication superficielle. À propos des habitants d'une petite ville industrielle de Virginie se rendant à un week-end de prière, il écrit: les résidents se sont entassés pour la prédication, vêtus de tenues à la mode, de robes décolletées, de talons hauts et les visages bien poudrés. L'ignorance et la vulgarité des citadins, comme celle de cette femme qui pense que l'Angleterre est une région de l'Allemagne, puis s'excuse d'avoir oublié de se poudrer le nez, sont considérées par Sharpe comme une marque de dégénérescence par rapport à la vie simple des montagnards. Certes, également ignorants des affaires du monde, mais qui ont le mérite d'être restés proches de la nature et de s'adonner à des divertissements sains et de qualité supérieure à ceux proposés par les productions culturelles de masse. Les critiques de Sharpe à l'encontre des populations urbaines sont presque systématiquement dirigées contre les femmes, dont le goût pour les accoutrements criards et la vie en société contraste avec la figure humble et modeste de la « sentimental mother », encore présente dans les écrits d'Alan Lomax dans les années 60, qui renvoie chez les spécialistes de folklore à l'image de la femme au foyer gardienne de la tradition du chant a cappella, associée à l'univers statique du foyer et aux tâches domestiques. A l'inverse, les musiques instrumentales seraient plutôt la spécialité des hommes et seraient associées à des lieux de sociabilité publique et souvent moralement suspects. Ces catégories musicales genrées, chant a cappella féminin et musique instrumentale masculine, sont bien sûr aujourd'hui largement remises en question. La manière dont Sharpe se représente les populations rurales et urbaines coïncide avec ses représentations de la folk music. Sharpe associe en effet folk songs authentiques et terroir rural et isolé, dans la continuité des théories herderiennes et childiennes. Les folk songs survivraient ainsi exclusivement dans la mémoire des chanteurs non pervertis par la vie moderne et doivent être sauvés au plus vite d'une extinction inéluctable. À cet égard, il condamne les efforts des missions religieuses qui, selon lui, ne prennent pas soin d'encourager la pratique des chants traditionnels de la région, contrairement aux settlement schools dont ils louent le travail, et leur enseigne à la place des hymnes que Sharp qualifie de déchets musicaux et littéraires. Les musiques qu'ils trouvent en ville sont quant à elles indignes d'être collectées, car modernes et non purement britanniques. Ils déplorent par exemple la présence de populations allemandes et néerlandaises dans les villes minières de Virginie. Ils détestent tout particulièrement le ragtime. Il écrit « La saleté et la bonne musique sont des camarades habituels, comme la propreté et le ragtime. » et témoigne d'un profond désintérêt pour les musiques religieuses. Seulement 5 hymnes seront reproduits dans l'ouvrage de Sharp et Campbell, tous collectés par cette dernière. Donc en fait, Sharp ne va pas collecter de musique religieuse. Sharp se rend dans les Appalaches pour retrouver des versions de vieux chants anglais qui sont son objet personnel de recherche. Donc ce faisant, il omet bien sûr de nombreuses autres pratiques musicales. En tant que musicien, il est par exemple frappant qu'il choisit de ne pas collecter de musique instrumentale, pourtant très présente dans les montagnes, mais sans doute trop américaine et teintée par les influences des musiciens noirs, à son goût. Sa représentation des montagnards fait écho à sa quête de vestiges du folklore britannique. La filiation de ces derniers avec les paysans de l'Angleterre pré-industrielle est omniprésente dans ses écrits. Il s'inscrit en cela dans la continuité des théories dites antiquarian et anglo-centrées des folkloristes littéraires de l'école childienne. Il écrit par exemple « Les chanteurs sont juste des paysans anglais quant à leur apparence, leur langage et leur manière. Vraiment, il est rafraîchissant d'être à nouveau parmi les siens. » L'ouvrage que Cécile Sharp copublie avec Olive Dame Campbell en 1917, qui s'intitule « English Folk Songs from the Southern Appalachians », sera extrêmement influent et participera à forger l'idée selon laquelle les montagnes appalachiennes renferment inchangées les traditions britanniques du temps des premiers colons. Même la moderniste Sydney Robertson, très critique vis-à-vis des représentations anglo-centrées et antiquarianes de la folk music américaine, sera une lectrice assidue de Sharp, qu'elle citera abondamment comme la collection la plus aboutie et sérieuse sur les chants appalachiens. La raison n'en est pas les sélections opérées par Sharp et sa collègue, mais la qualité des notations musicales produites par celui-ci. Sharp est en effet alors l'un des rares collecteurs à s'attacher à reproduire le plus fidèlement possible les mélodies des chants qu'il collecte. Sa profession de musicien le place d'ailleurs à la marge des autres collecteurs officiant dans les montagnes, qui sont pour la grande majorité des professeurs de littérature. Les années 1910 voit la fondation au sein d'universités de plusieurs branches régionales de l'American Folklore Society, toutes dirigées par des professeurs de littérature, ou, à l'exception de celle du Texas fondée par John Lomax, par d'anciens étudiants en littérature anglaise. Sur les 8 branches régionales de l'American Folklore Society fondées entre 1909 et 1915, 4 le sont dans des États du sud des Appalaches, ce qui témoigne à nouveau de l'importance de cette région dans la quête d'un folklore américain. Durant son séjour dans les Appalaches, Sharp correspond notamment avec le fondateur de la Virginia Folklore Society, C. Alfonso Smith, folkloriste communaliste spécialisé dans la recherche de variantes de ballades childiennes. Sharp lui écrit avant tout pour s'assurer de ne pas empiéter sur son terrain de recherche, mais il lui indique également être étonné du peu d'intérêt porté à la musique accompagnant les chants. D'après Maud Kerpless, Smith lui aurait témoigné tout son soutien. Sharp se montrera tout de même assez critique envers ses méthodes, dont il jugera le comportement de Smith condescendant à l'égard de ses informateurs. Si Alfonso Smith, contrairement à Sharp, passe beaucoup moins de temps sur le terrain et utilise volontiers ses propres étudiants comme informateurs, ou au moins intermédiaires avec les populations locales. En plus de son intérêt pour la musique, Sharp se distingue également des autres folkloristes littéraires officiant dans les États du sud des Appalaches par son ancrage dans les milieux éducatifs et son attachement à diffuser et encourager la pratique des chants et danses folk, alors qu'au moins jusqu'aux années 30, les folkloristes universitaires conçoivent le plus souvent leurs objets d'études comme des reliques uniquement destinées à être étudiées dans une perspective philologique et littéraire. C'est par exemple le cas du folkloriste Frank C. Brown, qui est lui le fondateur de la North Carolina Folklore Society, qui est originaire de la Shenandoah Valley de Virginie. Après l'obtention d'un doctorat en littérature anglaise à l'université de Chicago en 1908, Frank Brown enseigne l'anglais au Trinity College de Durham, qui deviendra l'université Duke. Il commence alors à collecter dans les montagnes de Caroline du Nord et il s'équipe dès 1915 d'un Edison, graveur de cylindres. Il est l'un des rares folkloristes à utiliser alors une machine enregistreuse, même s'il ne semble pas porter une attention particulière à la musique. Bien que ses travaux partagent de nombreuses similitudes avec ceux de Sharp, notamment l'intérêt quasi exclusif pour les folk songs et ballades anciennes d'origine britannique, et aussi la conduite de nombreuses enquêtes de terrain, Frank Brown ne bénéficiera pas de la même postérité que son collègue anglais. Robertson, par exemple, qui loue les travaux de Sharp, jugera ceux de Brown périmés et insistera sur ses manières condescendantes lors d'une expédition qu'ils feront en commun au milieu des années 30. Tandis que Sharp prend grand soin de ne pas empiéter sur le terrain d'autres collecteurs, comme ses courriers à Olive Dame Campbell et au folkloriste Alphonse Smith en témoignent, Frank Brown adopte lui une attitude beaucoup plus défensive à l'égard de ce qu'il considère comme son terrain. Il est également moins enclin à la collaboration que Sharp et conserve jalousement ses collections de folk songs qu'il ne souhaite publier qu'une fois qu'elles seront exhaustives. Celles-ci ne paraîtront finalement que plusieurs années après sa mort, dans les années 50. Ses collaborateurs à la North Carolina Folklore Society, fatigués de voir la publication de leurs travaux repoussée, retireront leurs matériaux pour les publier de leur côté. Seule sa collaboratrice, secrétaire et assistante sur le terrain, Maud Minish Sutton, patientera pour finalement tomber dans l'oubli, faute d'avoir pu publier ses travaux de son vivant. La collaboration entre Maud Minish Sutton et Frank Brown est un nouvel exemple de l'importance des femmes issues de la petite bourgeoisie des montagnes dans la carrière des folkloristes universitaires. Sutton commence à collecter des folk songs en 1906, dans sa ville natale du Tennessee, auprès d'une montagnarde qui travaille pour ses parents. En 1913, elle devient enseignante à la Crossner School d'Avery, comté rural de Caroline du Nord, qui est une école industrielle connue pour son programme de tissage, fondé sur le modèle du célèbre Berea College, visité notamment par Sharp et appartenant au réseau des Settlement Schools. Contrairement à Olive Dame Campbell, qui bénéficiera de la renommée de Sharp grâce à leur copublication, Maud Minish Sutton tombera dans les oubliettes de l'histoire. L'attitude de Frank Brown, tant envers ses collègues que ses informateurs sur le terrain, a probablement terni sa réputation et explique aussi pourquoi il ne bénéficiera pas de la même popularité que Cecil Sharp. À la différence de Sharp, Frank Brown s'intéresse aussi aux techniques de composition des chanteurs noirs de la région, ce qui aurait pu lui valoir une réputation de précurseur, étant donné le peu d'intérêt des professeurs de littérature pour ce sujet. Il n'est cependant pas le seul folkloriste antiquarian à se pencher sur les techniques d'improvisation des musiciens noirs. À la même époque, au moins deux autres spécialistes du folklore appalachien en font de même, donc Alphonse Smith, de la Virginia Folklore Society, et Heber Carl Perrow, qui est un autre professeur de littérature originaire de Virginie et ayant étudié à Harvard. L'intérêt de Brown, Smith et de Perrow pour les chanteurs noirs n'est cependant motivé que par la conviction évolutionniste que les noirs, parce qu'ils seraient moins développés que les blancs, seraient représentatifs de l'époque de la formation des ballades médiévales anglaises. Et à cet égard, leur technique d'improvisation permettrait de prouver le bien fondé de la théorie communaliste postulant un processus de composition collective. Il n'étudie donc pas les chants des musiciens noirs en eux-mêmes, mais pour tenter de reconstituer les techniques de composition qui étaient courantes en Europe plusieurs siècles auparavant. Cette application d'un schéma évolutionniste des plus sommaires se retrouvera à nouveau dans les années 30, dans les écrits d'Alan Lomax, à propos des populations noires d'Haïti, dont les pratiques musicales représenteraient, selon lui, celles des colonies anglaises d'Amérique du XVIIIe siècle. La postérité ne pardonnera cependant pas aux folkloristes littéraires ces théorisations trop périmées. Si Cecil Sharp et Frank Brown partagent le même terrain, leurs méthodes de collecte et surtout leurs objectifs sont finalement très différents. L'opinion de Sidney Robertson sur le travail de Brown, après qu'elle ait collecté avec lui pendant deux semaines, est éclairant. Je la cite. Bien sûr, la classification des folk songs du Dr. Brown ne nous donne pas la moindre indication sur les aspects qui sont importants pour nous. Que chantent les gens maintenant? Qu'est-ce que les gens chantent le plus? Où est le courant vivant par opposition à l'antiquarian? Dr. Brown pense très sincèrement que le Saint Graal, quelque chose à contempler assis lorsque vous l'avez trouvé, je suppose, certainement pas un symbole encore chargé de sens, doit être découvert en retraçant quelques fragments que ce soit qui puissent donner des indices sur leur origine, au travers des sortes de détritus échoués des abominations contemporaines. Tout son contact avec la vie contemporaine est celui d'un homme la tête par-dessus son épaule, tourné vers les perfections imaginaires du passé. Robertson est de manière peu surprenante très critique à l'égard de la vision figée et archaïque de la folk music proposée par Frank Brown. Ce qui est peut-être plus important, puisqu'après tout Sharp aussi favorise les répertoires anciens, c'est sa critique de ce à quoi Brown destine ses collections, et qui fait aussi écho au conflit entre ce dernier et ses collaborateurs. Pour Robertson, le projet de Brown d'amasser le plus de matériaux possible sans se soucier de les connecter avec ce qu'elle appelle la vie contemporaine, c'est-à-dire d'en faire autre chose que de les conserver, et ce qui semble le plus problématique dans son approche est ce qui le distingue de Sharp. Bref, c'est ce qui en fait un folkloriste antiquarian, un antiquaire. Loin de destiner ses folk songs à des étagères poussiéreuses, Cecil Sharp est au contraire impliqué dans un mouvement d'éducation progressiste en Angleterre qui, au début du XXe siècle, utilise les chants et les danses folk. Ce mouvement d'éducation progressiste a son équivalent aux États-Unis, où il se préoccupe de former les jeunes Américains et les immigrants récents à devenir de bons citoyens. Les travaux de Sharp sont repris par ce mouvement, et il aide à fonder des écoles et danses folk aux États-Unis. Robertson elle-même y participera dans les années 20-30. L'engagement de Sharp, ainsi que l'importance du rôle joué par les éducatrices des Settlement Schools dans la construction du modèle d'American Folk Music des Appalaches, appellent à une étude des emplois de la folk music dans les milieux éducatifs des années 1900-1920. Et c'est ce à quoi sera consacré le prochain chapitre. On s'arrête ici avec... Je vais passer un morceau, donc encore un morceau folk arrangé par Cecil Sharp, Hunt the Squirrel, pardon pour la prononciation, Chasse l'écureuil, qui est un morceau, une marche qu'on trouve aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. À la prochaine.